إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, qui est un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Et le Sharh est de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Lors du dernier cours, on s'est arrêté au chapitre Baboun min al-shirki iradatul insani bi'amalihi al-dunya. Le chapitre fait faire de bonnes œuvres par intérêt matériel est une forme de polythéisme. Et on s'est arrêté au hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu en page 292 du livre. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله cite donc en ce chapitre le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit, il est rapporté dans le Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit damné, D-A-M-N-E, c'est-à-dire qu'il connaisse la perte, qu'il soit damné l'esclave de l'or, que connaisse la perte l'esclave de l'argent, que connaisse la perte l'esclave de la khamisa, que l'on pourrait traduire par un vêtement somptueux, que connaisse la perte l'esclave du velours, si on lui donne, il est satisfait, sinon il s'indigne, qu'il connaisse la perte et que tous ses projets se retournent contre lui, au point de ne pouvoir extirper une épine plantée dans sa chair. Touba, et l'on verra ce que c'est touba, touba au serviteur qui tient dans la main la bride de son cheval pour combattre dans le sentier d'Allah, les cheveux ébouriffés, les pieds couverts de poussière. S'il est désigné pour monter la garde, il obéit et remplit son devoir. S'il est désigné pour être dans l'arrière-garde, il s'y prend et remplit son devoir. Pourtant, s'il demande une permission, elle ne lui est pas accordée. Et s'il intercède en faveur d'une personne, son intercession est refusée. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الصحيح أي صحيح البخاري تعس بكسر العين سقط والمراد هنا هلك. الخميصة ثوب خز أو صوف معلم كانت من لباس الناس قديما. الخميلة بفتح الخاء القطيفة. انتكس أي عاوده المرض، وقيل انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. شيك أصابته شوكة فلا انتقش فلا يقدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش طوبى اسم للجنة أو شجرة فيها. عنان بكسر العين سير اللجام في سبيل الله أي جهاد المشركين. أشعث رأسه صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ورأسه فاعل معناه ومعناه أنه ثائر الرأس، شغله الجهاد عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه صفة ثانية لعبد، وقدماه فاعل أي علقهما الغبار والتراب بخلاف المترفين المتنعمين. الحراسة بكسر الحاء أي يكون في حماية الجيش غير مقصر ولا غافل. في الساقة أي يكون في آخر الجيش لأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد. إن استأذن أي للدخول على الأمراء لم يؤذن له لأنه لا جاه له عندهم لكونه لا يقصد بعمله الدنيا والتزلف إلى الأمراء. وإن شفع أي ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله من قضاء حوائج الناس لم يشفع بفتح الفاء المشددة أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, explique les différents termes du hadith. Fis sahih, dans le sahih, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam Al-Bukhari. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ta'isa abdud dinar, que connaisse la perte. Ta'isa, c'est-à-dire qu'il tombe. Qu'il tombe. Et ce qui est voulu par cette parole, qu'il tombe, c'est-à-dire qu'il connaisse la perte. Al-Khamisa, l'esclave de la Khamisa, que l'on a traduit par le vêtement somptueux. Al-Khamisa, c'est un vêtement de soie ou un vêtement de laine avec des traits. Et cela faisait partie des vêtements des gens à l'époque. Al-Khamila, qui est Al-Qatifa en arabe, qui n'est autre que le velours. Intakas, parce que le professeur Hassan a dit Ta'isa wantakas, qui connaissent la perte. Wantakas, et que ses projets se retournent contre lui. Intakas, c'est-à-dire que la maladie revienne à lui. Et il est dit également que le sens de Intakas, c'est-à-dire qu'il se retourne contre lui. C'est donc une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cette personne afin qu'elle connaisse la perte. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقَشْ. إِذَا شِيكَ, c'est-à-dire lorsqu'une épine le touche et le pique. فَلَنْ تَقَشْ, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité d'enlever cette épine. Il ne peut pas la retirer avec une pointe, par exemple. طُوبَ, qui est un des noms du paradis, ou alors c'est un arbre du paradis. عِنَانُ, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi. Al-'inan, c'est la partie du harnais d'un cheval qui sert à le diriger. Car le harnais est constitué de plusieurs parties et al-'inan, c'est la partie que l'on saisit afin de diriger le cheval lorsqu'il doit aller à droite ou à gauche, par exemple. Fi sabilillah. Celui qui saisit le harnais de son cheval dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'il combat les polythéistes. Ash'atha ra'suh. Ceci est un adjectif de l'esclave. Ash'atha ra'suh, les cheveux ébouriffés. Et le sens de cela est que cet homme est occupé par le jihad, par le combat dans le sentier d'Allah Azzawajal, et cela ne lui permet pas d'entretenir sa chevelure bil-iddihan. Al-iddihan, c'est le fait d'appliquer de l'huile ou autre matière grasse sur ses cheveux afin de les nourrir et de les entretenir. Donc cet homme qui combat dans le sentier d'Allah a les cheveux ébouriffés car son combat ne lui permet pas d'entretenir ses cheveux ni même de les coiffer. Mughabbaratin qadamah, les pieds couverts de poussière. Cela est un autre adjectif de cette personne. À savoir que ses pieds sont recouverts de poussière, contrairement à ceux qui jouissent des bienfaits de cette vie d'ici-bas, qui eux n'ont pas les pieds recouverts de poussière. Al-Hirasa. S'il est désigné pour monter la garde, c'est-à-dire monter la garde de l'armée, de telle façon qu'il ne manque pas à son devoir et que durant sa garde, il ne fait pas preuve d'insouciance. Et lorsqu'il est dans l'arrière-garde, qui est la fin de l'armée, c'est-à-dire l'arrière-garde. Car cet homme passe d'un poste à un autre, le tout pour le bien de ce combat dans le sentier d'Allah. In ista'dhana. S'il demande une permission, c'est-à-dire s'il demande une permission pour se rendre chez les gouverneurs. Lam yu'dhan lah. La permission ne lui est pas donnée, car il n'a pas de statut, n'a pas de poids auprès d'eux. Car c'est un homme qui, dans ce qu'il fait, ne le fait pas en recherchant un bienfait mondain et il ne fait pas tout cela pour se rapprocher des gouverneurs. Wa in shafa', et s'il intercède, c'est-à-dire si une situation l'amène à ce qu'il intercède dans un cas qu'aime Allah et son envoyé pour répondre à un besoin d'une personne ou autre. S'il intercède en faveur d'une personne, son intercession, lam yushaffa', c'est-à-dire que son intercession n'est pas acceptée et n'est pas prise en compte auprès des gouverneurs ou autres. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث يصور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالة رجلين أحدهما من طلاب الدنيا والآخر من طلاب الآخرة فطالب الدنيا صار عبدا لها يرضى لها ويسخط لها وذكر في حق هذا ما هو دعاء بلفظ الخبر تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب وصار عبدا لما يهواه من شهواته لا صلة له بربه يخلصه بسببها مما وقع فيه ثم بين صلى الله عليه وسلم حال عبد الله الصادق الساعي في مراضيه المبتعد عن مساخطه الصابر على مشقة النصب والتعب وأنه لم يتفرغ للطرف ونيل الملذات ولم يتظاهر أمام الناس حتى يعرف لديهم ويكون ذا جاه عندهم لأنه لم يرد بعمله الدنيا ونيل الجاه بل أراد به وجه الله والدار الآخرة فجزاؤه أن له الجنة أو شجرة فيها. Il dit, hafidhahullah, le sens général du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne dans ce hadith et nous schématise dans ce hadith la situation de deux hommes. L'un est un homme qui ne recherche que cette vie d'ici-bas et l'autre recherche l'au-delà. Celui qui recherche la vie d'ici-bas est devenu un esclave de celle-ci. Il est satisfait vis-à-vis, et sa satisfaction et son mécontentement ne tournent qu'autour de cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette première personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation en utilisant des termes, en utilisant une information. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase affirmative qui en réalité est une invocation. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa wa antakas, qu'il connaisse la perte et que ses projets se retournent contre lui. Et lorsque une épine est au point de ne pouvoir extirper une épine plantée dans sa chair. C'est-à-dire que lorsqu'un mal le touche, il ne peut pas sortir de ce mal et ne peut pas connaître la félicité. Ainsi, cette personne qui ne recherche que la vie d'ici-bas, ni elle n'obtient ce qu'elle souhaite, ni elle n'est épargnée de ce qu'elle redoute. Et cette personne est en réalité l'esclave de ce qu'il recherche comme plaisir. Il n'a pas de relation solide avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, une relation qui puisse le sortir de cette situation. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique la situation de ce serviteur d'Allah, ce véridique, celui qui accourt vers la satisfaction d'Allah et qui s'éloigne de tout ce qui provoque la colère d'Allah, ce serviteur d'Allah qui patiente dans les choses difficiles. Il patiente sur la fatigue et le labour. Et il n'a pas le temps de profiter des bienfaits de cette vie d'ici-bas. De même que ce serviteur d'Allah ne se montre pas devant les gens au point d'être connu chez eux, ou au point d'avoir un statut et un poids chez eux, car il ne recherche dans ses actions ni cette vie d'ici-bas, ni le fait d'avoir un quelconque pouvoir ou un quelconque statut, mais il agit en recherchant la face d'Allah et en voulant la demeure éternelle. Sa récompense, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, est qu'il aura le paradis ou un arbre du paradis. مناسبه ذكر الحديث في الباب ان فيه ذم العمل لاجل الدنيا ومدح العمل لاجل الاخره. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le chapitre qui est, on le rappelle, باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا, fait partie du polythéisme le fait que l'être humain recherche la vie d'ici-bas, recherche à travers ses actions la vie d'ici-bas. Le contexte donc de ce hadith est clair et évident. Il y a dans ce hadith une réprimande et une condamnation sur le fait d'œuvrer pour cette vie d'ici-bas. Et il y a dans ce hadith l'éloge de d'œuvrer dans cette vie d'ici-bas pour l'au-delà. ما يستفاد من الحديث ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة ثانيا فضل التواضع ثالثا فضل الجهاد في سبيل الله رابعا ذم الترف والتنعم ومدح الخشونة والرجولة والقوة لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. On retient de ce hadith quatre choses. La première, la condamnation d'œuvrer pour cette vie d'ici-bas et l'éloge d'œuvrer pour la vie de l'au-delà. Deuxièmement, on retient de ce hadith le mérite de la modestie. Troisièmement, le mérite du combat dans le sentier d'Allah. Quatrièmement, la condamnation de at-taraf wa at-tana'um, qui est le fait de jouir des plaisirs futiles de cette vie d'ici-bas. Et l'éloge est le fait que al-khushuna, la rudesse, al-rujula, la virilité, al-quwa, la force, que ceux-ci sont des qualités requises chez l'homme, car ceci aide dans le sentier, aide dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha ani tarajjuli illa ribben. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se coiffer les cheveux illa ribben, sauf un jour sur deux. Sauf un jour sur deux. Pourquoi ? Car l'homme qui se coiffe les cheveux tous les jours est un homme qui donne de l'importance à une chose futile. Et cela ne fait pas partie de ce qui est demandé aux musulmans hommes. L'homme se doit de faire preuve de virilité, de faire preuve de rudesse et de ne pas prêter une attention abusive et excessive à son apparence. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. Puis l'auteur رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ouvre le chapitre باب le chapitre obéir aux savants et aux gouvernants dans l'interdiction de ce qu'Allah a rendu permis et dans la permission de ce qu'Allah a interdit, revient à les considérer comme des seigneurs en dehors d'Allah. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Puis il cite le athar de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit « Peu s'en faut que des pierres tombent du ciel et que ne s'abattent sur vous, que, yani, peu s'en faut que des pierres tombent du ciel et ne s'abattent sur vous. Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, « Munasabatu dhikri hada al-bab fi kitab al-tawhid » لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid, dans Kitab al-Tawhid? Il dit, Cheikh al-Fawzan, حفظه الله, parce que l'obéissance est une forme d'adoration à Allah Azza wa Jal. L'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a voulu alerter à travers ce chapitre de l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui doit être obéi, et que l'on ne peut obéir à une créature que lorsque son obéissance n'est pas dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Arbaban, ay shuraka'a ma'a Allah fi at-tashri'. Qala ibn Abbas ila akhirih, ay qalahu liman nadharahu fi mut'ati al-hajj wa kana huwa ya'mur biha لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك يقرب ويدنو ويسرع أربابا. Que celui qui obéit aux savants et aux gouverneurs dans l'interdiction de ce qu'Allah a rendu permis et dans la permission de ce qu'Allah a interdit, revient à les considérer comme des arbab en dehors d'Allah. Al-arbab, c'est-à-dire des associés avec Allah dans le fait de légiférer. Des associés à Allah dans le fait de légiférer. Donc cela revient à les considérer comme des associés à Allah dans at-tashri', dans le fait de légiférer. قال ابن عباس jusqu'à la fin du athar. Abdullah ibn Abbas a dit cela à celui qui a débattu avec lui concernant mut'at al-hajj. Qu'est-ce que mut'at al-hajj? C'est le fait d'accomplir le hajj en tamattu', le fait de faire une umra, ensuite de se désacraliser, puis de faire le hajj. C'est ce qu'on appelle le tamattu'. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, ordonnait aux gens de faire le tamattu', car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de le faire comme cela est cité dans le hadith authentique. Et celui qui débattait avec Abdullah ibn Abbas lui a répondu en lui disant que Abu Bakr et Omar interdisaient le tamattu'. Et Abdullah ibn Abbas lui a répondu par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yushiku, lorsqu'il a dit Yushiku an tanzila alaykum hijara, c'est-à-dire que s'approche et vient rapidement. C'est-à-dire peu s'en faut que les pierres tombent du ciel. C'est-à-dire que ces pierres sont proches et arrivent à toute vitesse. المعنى الإجمالي للأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. Le sens général de ce athar, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire descendre des cieux un châtiment horrible et rapide sur celui qui fait précéder la parole d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam implique de le suivre et de faire précéder sa parole sallallahu alayhi wa sallam devant la parole de toute autre personne. Munasabatu dhikrihi fil bab. أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها موجبة للعقوبة. Quel est le contexte de ce chapitre, de ce hadith, afwan, dans ce chapitre? Ce hadith prouve l'interdiction d'obéir aux savants et aux gouverneurs dans ce qui contredit la voix du prophète صلى الله عليه وسلم. Et que le fait de les obéir dans cela oblige le châtiment. ما يستفاد من الأثر؟ أولا وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. ثانيا أن مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم توجب العقوبة. Nous retenons de ce athar deux choses. La première, l'obligation de faire précéder la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la parole de toute autre personne. Deuxièmement, que celui qui contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite le châtiment. ثم قال رحمه الله وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Puis l'auteur, rahimahullah, cite la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit: je n'aurai de cesse de m'étonner des personnes qui connaissent les chaînes de rapporteurs et leur authenticité, mais qui pourtant se limitent à la vie de Soufiane, alors qu'Allah Azza wa Jal dit que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde d'une épreuve, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sais-tu quelle est cette épreuve ? C'est le polythéisme. Il se peut qu'un individu qui rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une perversion naître dans son cœur et ceci le perdra. At-tarajim, les biographies. Ahmad huwa l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal مات سنة 41 بعد 200 رحمه الله. ثانيا سفيان وهو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه مات سنة 61 بعد 100 رحمه الله. قال أحمد أي لما قيل له إن قوما يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء عرفوا الإسناد وصحته أي عرفوا صحة إسناد الحديث لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث يخالفون عن أمره أي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدي الفعل بعن لتضمنه معنى الإعراض أن تصيبهم فتنة محنة في الدنيا أو تصيبهم عذاب أليم أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة لعله أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من الزيغ أي العدول عن الحق وفساد القلب الشيخ الفوزان حفظه الله دي التراجم لي بيوغرافي أحمد كي الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل qui est décédé en l'an 241 de l'Hégire, en l'an 241 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Deuxièmement, Soufyan, qui est Abu Abdillah, Soufyan ibn Sa'id al-Thawri, l'imam, l'ascète, l'adorateur, le digne de confiance, le juriste, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 161 de l'Hégire. Qala Ahmed. Ahmed a dit, c'est-à-dire lorsqu'il lui a été dit, que des personnes délaissent le hadith et adoptent l'avis de Sofiane ou d'autres parmi les juristes. Arafu al-isnad wa sihhatah, qui connaissent les chaînes de rapporteurs et leur authenticité. C'est-à-dire que ces personnes connaissent l'authenticité de la chaîne de transmission. Car l'authenticité de la chaîne de transmission prouve l'authenticité du hadith. Yukhalifuna an amrih, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement d'Allah ou au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verbe khalafa a été suivi de an. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi. Ceci pour exprimer le sens du détournement. Car an, lorsqu'il suit le verbe khalafa, prouve que la personne se détourne. Et là, en l'occurrence, elle se détourne du commandement d'Allah ou du commandement de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. An tusibahum fitnah, que ne les atteigne une épreuve. C'est-à-dire une épreuve dans cette vie d'ici-bas. Ou yusibahum adhabun alim, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux, c'est-à-dire dans l'au-delà. La'allahu. Lorsque l'imam Ahmed a dit la'allahu, c'est-à-dire lorsque l'être humain, pour qui la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, إذا رد بعض قوله qui rejette certaines de ses paroles, c'est-à-dire certaines des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من الزيغ أي العدول عن الحق وفساد القلب. Il se peut qu'un individu qui rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soient touchées par Az-Zayr. Et Az-Zayr, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est l'éloignement de la vérité et le fait d'avoir un cœur perverti. Et le fait d'avoir un cœur perverti. المعنى الإجمالي ينكر الإمام أحمد على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث ويعتذر بالأعذار الباطلة ليبرر فعله مع أن الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يتخوف الإمام أحمد على من صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة ويستشهد بالآية المذكورة ومثلها في القرآن كثير كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Le sens général de ce athar ou de cette parole de l'imam Ahmad rahimahullah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, l'imam Ahmad rahimahullah condamne celui qui connaît le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après sa connaissance du hadith authentique, imite Soufiane ou autre parmi les juristes qui ont contredit ce hadith. Et il utilise, c'est-à-dire celui qui délaisse le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilise des excuses qui sont fausses et non valables, afin de rendre son acte licite. Alors que ce qui est connu et ce qui est le devoir du croyant, lorsque le livre d'Allah Azzawajal lui parvient, ou lorsque lui parvient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il en connaît le sens, eh bien il se doit de le mettre en pratique, même si il est contredit par quelque personne que ce soit. Ainsi nous a ordonné Allah Azza wa Jal, et ainsi nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'imam Ahmed redoute que celui chez qui la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, puis la contredit, il redoute que son cœur ne se dévie de la vérité et qu'il connaisse la perte dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il utilise pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et il y a dans le Coran beaucoup d'autres versets qui vont dans ce sens, comme la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat As-Saff, le verset 5, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. مُنَسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي الْبَابِ التَّحْذِيرُ مِنْ تَقْلِيدِ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ فِي الطَّاعَةِ. Quel est le contexte de cette parole de l'imam Ahmed dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid? Le contexte est clair, à savoir la mise en garde contre le fait de suivre aveuglément les savants sans preuve et le fait de délaisser la mise en pratique du Coran et de la Sunna, et que cela fait partie et que cela est une forme d'association dans l'obéissance. ما يستفاد من الأثر تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال. ثانيا، جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. On retient de ce athar de l'imam Ahmed deux choses. La première, l'interdiction de suivre aveuglément les savants. Pour celui qui connaît les dalils et qui sait comment les comprendre. Deuxièmement, l'autorisation de suivre les savants pour celui qui ne connaît pas les dalils. À savoir de suivre celui parmi les savants qui sont dignes de confiance dans leur science et dans leur religion. Dans leur science et dans leur religion. Donc il faut différencier entre celui qui connaît les dalils et qui sait comment les comprendre et celui qui ne connaît pas les dalils et qui ne sait pas comment les comprendre. Le premier, il ne lui est pas autorisé de suivre les savants sans preuve, car il a accès à ses preuves, il connaît ses preuves et il a la capacité de les comprendre. Quant à celui qui n'a pas accès aux preuves, et celui qui a accès aux preuves mais ne peut pas les comprendre, alors il lui est autorisé de suivre celui parmi les savants en qui il a confiance dans sa science et dans sa religion. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.